Lafayette. Comme chaque année, vous cherchez comment passer l'hiver avec style. Il est temps de lancer le casting pour la nouvelle star de votre dressing. Chic, c'est les 3J aux Galeries Lafayette. Profitez des plus belles pièces de la saison jusqu'à moins 50% en magasin et sur galerielafayette.com jusqu'au 1er novembre hors outlet. Voir modalités sur le site et en magasin. Galeries Lafayette, Galeries Lafayette. Ressemblait le débat au XVIIIe siècle. On imagine des salons dorés peuplés de perruques et de révérences, des clavecins rythmés et une politesse un peu forcée. Bref, on imagine Barry Lyndon éclairé à la lumière de la bougie et le visage de Voltaire, de Diderot et autres exquis polémistes au même moment en France, usant de la rhétorique comme personne et maniant le verbe pour mieux atteindre la vérité. Mais qu'en est-il vraiment ? Le XVIIIe siècle est-il l'âge d'or du débat ? Des polémiques aux poèmes, des conversations aux salons, des querelles aux pamphlets, a-t-on gagné ou perdu en art du débat 2 siècles plus tard ? Attention, changement d'ambiance. C'est pas de vous qu'une certaine forme de mépris que vous affichez à l'égard de vos interlocuteurs peut troubler votre image. Oh, mon image, elle vous emmerde. Ça, je l'avais compris. C'est super ou c'est de la merde? Lui, c'est super, vous, c'est de la merde. Bon, allez, on va faire un truc. Je vais vous offrir votre premier départ de la saison. Vous serez content. Mais non, fidèle à ma réputation. Non, ce numéro-là, vous l'avez déjà fait au journal télévisé. Mais non, c'est ça. C'est vous casser les pieds, c'est incroyable. C'est pas normal, mais... S'il se barre pas, c'est qu'on a été nuls. Hein. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde se prend pour un chanteur, un acteur, ou un écrivain. Non, c'est un chroniqueur. Merci, j'ai pas du tout aimé votre film. Donc si vous devez partir, vous c'est maintenant. Non, non. Arrête de sourire. Moi, j'ai respecté. Vous savez pourquoi? C'est ouf. Vous savez pourquoi, monsieur Max? Arrête de sourire. Monsieur Max, je vais vous dire pourquoi. Sois normal. Parce que vous avez eu un long cheminement. Faites un coup, j'étais heureux pour vous. Mais vous voulez me frapper, peut-être? Non, je ne veux pas te frapper, tu m'intéresses pas. Ah. Le droit de perdre, revendication étroite. Mais je vous emmerde, revendication étroite. Je l'ai vécu, ça. Je vous emmerde. Bonjour Alain Sagère. Bonjour à vous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci, c'est toujours avec plaisir. C'est avec plaisir que nous vous accueillons, comme à chaque fois. Vous êtes philosophe, membre de la Société Voltaire et de la Société des études voltairiennes. On vous doit un petit livre par la taille qui s'appelle « Apprendre à philosopher avec Voltaire » aux éditions Ellipse, qui nous est toujours très précieux pour préparer les émissions en votre compagnie. Et vous allez faire paraître un dictionnaire de Voltaire philosophe aux éditions Ellipse, toujours. Ce sera sans doute en début d'année prochaine. Et nous venons d'entendre, après la bande originale du film Barry Lyndon, composé par Handel, eh bien un best-of des clashs de l'émission « On n'est pas couché » animée par Ruquier, dont le dernier épisode a eu lieu en juin dernier. Et quand on entend ce que l'on vient d'entendre, on se dit « Mais le débat n'est sans doute plus qu'il était ». Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est si en effet le débat était possible et plus audible à l'époque, ou si ce que nous avons entendu juste à l'instant était une espèce de caricature du débat aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ? Oui, alors personnellement, j'ai raison sûrement de n'écouter que France Musique, France Culture et de ne plus avoir la télévision. C'est anecdotique et personnel, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, alors ce qu'un tel, une telle audition évoque, c'est au fond, il y a un opuscule de l'abbé André Morellet au XVIIIe siècle, un opuscule qui s'appelle « De la conversation », qui n'est paru qu'en 1812, mais enfin qui reflète bien l'époque antérieure, et dans laquelle cet abbé fait une liste de tout ce qu'il ne faut pas faire en société quand on converse, ou on reviendra sur le terme, quand on débat. Mmh. Et alors c'est tout à fait étonnant, il y a l'inattention, éviter l'inattention. Il faut éviter l'interruption de la parole d'autrui et la parole à plusieurs. Vous voyez ce que ça a pu donner deux siècles après. Il faut éviter de faire valoir son esprit, l'égoïsme, la volonté de domination. On ne parle pas pour dominer l'autre. Il faut éviter le pédantisme, les propos décousus, l'esprit de plaisanterie. Ah oui. Eh oui, l'esprit de plaisanterie, à partir du moment, je pense, où elle est déplacée, où la plaisanterie risque de mettre mal à l'aise l'interlocuteur. La moquerie, plus que l'humour. Ça serait plutôt la moquerie qui irait jusqu'au dénigrement. De la même façon, l'esprit de contradiction, il ne faut pas contredire à tout prix. Il ne faut pas, à chaque fois que l'autre dit quelque chose, bondir et lui opposer une conviction ou une idée contraire. Et la dispute, il ne faut pas que la conversation dégénère en dispute. Et enfin, j'abrégerai ici, mais c'est la dernière, les apartés. Mais là, ça concerne plutôt ce que vous avez évoqué, les salons, c'est-à-dire quand il y a une conversation générale, il n'est pas question qu'il y en ait deux ou trois qui se mettent à part, qui se mettent à converser de manière particulière. Donc la conversation, de ce point de vue-là, fait société. Hein, c'est ça le but. Hein. Comment s'appelle cet abbé à qui l'on doit le... L'abbé Morellet, c'est écrit l'abbé M-O-R-E-2-L-E-T, et Voltaire s'amuse et il l'appelle toujours Morellet, M-O-R-D-S, bon, voilà, ça c'est la plaisanterie. Bah ça c'est du dénigrement, oui, voilà, c'est ça. Et oui, là, on reviendra sur Voltaire. Et donc, c'est un habitué de... je veux dire, c'est un lettré, il fait partie de ces abbés lettrés qui fréquentent les salons et qui donnent un peu le ton de ces réunions, de ces séances, puisqu'on trouve beaucoup de ces ecclésiastiques comme référence, voilà, et comme participants à ces assemblées, à ces réunions qui sont multiformes et diverses, en effet. La journée spéciale organisée par France Culture porte autour d'une question. Que faisons-nous du débat public, réseaux sociaux, culture, médias? On a pris le parti de remonter dans le temps jusqu'au XVIIIe siècle où on s'imagine que le débat avait cours de manière plus apaisée et plus construite. Vous allez nous dire si c'est le cas, mais déjà une première question. Est-ce que le mot de débat existe au XVIIIe siècle? Oui, il existe. Et vous allez voir dans quel registre très particulier. Si on regarde le dictionnaire de Trévoux, l'édition de 1752, il montre bien que « débat » vient de « battre », avec la préposition « de ». Ça, c'est quand même « battre ». Et essentiellement, c'est la contestation en matière civile. C'est-à-dire que le débat intervient en matière de droit. C'est la contestation judiciaire. Et par exemple, il donne un exemple, le dictionnaire de Trévoux. Mm-hmm. Quand on a quelques débats, il faut tâcher de le vider à l'amiable. Et il renvoie à trois termes latins, la contentio, qui veut dire la lutte, la rivalité, la controversia, qui est le débat judiciaire, justement, et la concertatio, qui est un faux ami, puisque en réalité, ça veut dire la dispute, le conflit, la discussion. Et alors, plus intéressant, non, c'est Trévoux, c'est une référence absolue pour tout le monde. Ah, mais pardonnez-moi, je ne connais pas le dictionnaire de Trévoux. C'est le dictionnaire des jésuites, j'ai oublié de vous dire. Ah, c'était pour ça. Ah, bien, voilà. Avec plusieurs éditions au fil du temps, et c'est la référence, mettons, comme le Grand Robert, enfin, ça serait l'équivalent, ou le Grand Larousse. Il y a le dictionnaire de l'Académie française, mais le Trévoux, c'est le dictionnaire courant jusqu'au moment où paraît l'encyclopédie. C'est ça, donc c'est avant l'encyclopédie. C'est avant l'encyclopédie, oui, c'est ça. La cinquième, ça va être la cinquième édition du Trévoux en 1752, ça correspond au moment où la première édition de l'encyclopédie va commencer. Vous voyez, donc il prend le relais. Mais d'ailleurs, si l'encyclopédie, je vais pas développer ça, mais prend beaucoup comme référence la Cyclopédia de Chambers, qui est une encyclopédie anglaise. Beaucoup d'auteurs de l'encyclopédie, Voltaire le premier, quand il donne des articles à l'encyclopédie, il se réfère au Trévoux. Mais donc, pour revenir au débat, dans l'encyclopédie, le mot débat apparaît sous le désignant, comme on dit, jurisprudence. C'est Boucher d'Argy, un spécialiste du droit, qui rédige l'article. Il a donné 4500 articles à l'encyclopédie. Ça n'est pas rien. Mais bref, pour lui, débat signifie en général une contestation que l'on a avec quelqu'un, ou la discussion par écrit de quelques points contestés. Et c'est intéressant vis-à-vis de Voltaire, parce qu'il est à la fois descendant et fils de notaire. Et puis, son notaire de père l'a obligé à faire des études de droit. Donc, à son corps défendant. Mais il en est resté quelque chose. Et je crois que dans la manière de procéder de Voltaire, il y a ces deux aspects, contestation et discussion, d'un point de vue, effectivement, d'un point de vue judiciaire, du point de vue, je dirais, de l'avocat. Voilà. Alors, si on s'en tient aux définitions des dictionnaires et de l'encyclopédie, comment distingue-t-on, par exemple, le débat de la querelle ou le débat de la conversation? Oui, la conversation, elle est plutôt réservée donc à ces salons, dans l'esprit que j'ai décrit. Mm-hmm. Et au fond, qu'est-ce qui se passe dans ces salons et en quoi consiste la conversation? Mais je crois que le personnage de Saint-Preux dans La Nouvelle Héloïse, hein, Rousseau. Rousseau donc, merci. Dans la deuxième partie, la lettre 14, Saint-Preux écrit à Julie pour lui dire comment ça se passe dans les salons. Et mis à part le fait que Saint-Preux va dénigrer ce qui s'y passe pour des raisons morales, il décrit, je crois, très bien, dans la première partie de cette lettre 14, l'esprit qui définit la conversation. Et justement, il n'en faut pas. Il ne faut ni dissertation ni épigramme. On raisonne, mais on n'argumente pas. Vous voyez, c'était tout à l'heure l'abbé Morellet, pas de contradiction, pas de dispute. On raisonne, c'est-à-dire, bon, on peut faire preuve de logique, mais par contre, on n'argumente pas. C'est-à-dire, on n'essaie pas d'apporter des preuves de ce qu'on dit. Il faut éviter cet esprit de lourdeur qui risque de peser dans la conversation. On plaisante, mais sans jeu de mots. Voyons, on retrouve comme tout à l'heure chez l'abbé Morellet, pas de plaisanterie, pas de jeu de mots. Il ne s'agit pas que ça soit gratuit. Et qu'au fond, c'est un esprit trop facile. Un esprit trop facile serait dommageable. Donc c'est ça l'esprit de conversation. On y associe avec art, au fond, l'esprit et la raison. On discute pour s'éclairer. On s'arrête devant la dispute. Chacun s'instruit, chacun s'amuse. Tous s'en vont contents. C'est ça l'esprit, vous voyez. Mais dans le meilleur des mondes. Alors ça, c'est dans le meilleur des mondes. Il est évident que il faut dire autre chose à propos de ces salons. D'abord, pour Saint-Preux et pour Rousseau lui-même, en réalité, tout cela est un beau masque qui cache, comme vous le savez, un masque hypocrite qui cache la méchanceté et le vice et la médisance. Et comme vous dites, c'est une belle façade, mais pour Saint-Preux, on ne peut pas y trouver sa place. Et il dit à Julie vivement que je retourne aux frais entretiens clairs et voilà, et bienvenue de Clarence. Voilà, par opposition au fond à ces salons viciés. Mm-hmm. Voilà. Et il faut dire aussi, ça c'est la deuxième chose, puisque vous évoquiez le terme querelle, que en même temps, dès le début du XVIIIe siècle, dans le salon de la marquise de Lambert, entre 1711 et 1733 à peu près, il va s'opérer ce qui épouvante Tocqueville au début du livre 3 de l'Ancien Régime et la Révolution, c'est-à-dire la jonction entre les aristocrates éclairés et les gens de lettres. Et effectivement, ça va donner ce ferment révolutionnaire qui, comme vous le savez, aboutira à l'explosion de 1789. Donc les salons, c'est le lieu où se retrouvent, non seulement où peuvent se rejoindre les aristocrates et les gens de lettres, mais c'est aussi le lieu où les intellectuels peuvent s'adresser à un autre public, celui de l'université ou de leurs collègues, c'est ça? C'est un endroit aussi de démocratisation du savoir, non? Oui, enfin, alors... Démocratisation, on n'est pas dans le grand public non plus, hein, mais comme on sort de l'université. Absolument. Comme vous le savez, on n'emploie pas encore le mot intellectuel, mais on dit gens de lettres, voilà, c'est ça, les lettrés ou les savants. Mais oui, je crois que c'est ça le point important, c'est qu'il va s'opérer une jonction et un brassage entre ces intellectuels quelquefois roturiers, hein, qui sont aussi bien des avocats, des hommes de lettres, des poètes, et avec, je dirais, la haute magistrature et les aristocrates et certains membres du gouvernement ou des pouvoirs publics, plus exactement. Mm-hmm. Et donc, il va s'opérer en effet ce rapprochement et cette jonction entre les chez la marquise de Lambert, si je me souviens bien, il y a le mardi pour les lettrés et les savants et le mercredi pour les gens du monde, mais les deux vont se croiser, communiquer et donner ce que plus récemment Marc Fumaroli a pu appeler, parce que lui ça l'épouvante, un étrange monstre, c'est-à-dire ce salon hybride dans lequel les idées progressistes vont se donner libre cours. Et donc là, on ira effectivement de la conversation, pour reprendre la définition du débat, à la contestation, en effet. Et à quoi ressemblent les conversations dans un salon? Est-ce que c'est la politesse qui régit chaque interaction, le plaisir de la discussion et d'enseigner, ou est-ce que c'est un lieu de pouvoir, justement, qui avance masqué? Alors, il doit y avoir les deux, incontestablement, il y a les deux aspects existent. Je pense que, par exemple, si on prend le cas de Voltaire pour pour prendre ce cas particulier, puisqu'on l'a évoqué, Voltaire fréquente peu les salons littéraires, mais par contre, il fréquente les salons mondains. Comme par exemple celui de la marquise de Mimeur, qui est la femme d'un militaire et qui est un lettré devenu académicien. Et puis, il fréquente le salon de Madame de Ferriol, qui est la femme d'un banquier. Et là, il rencontre le fils de Madame de Ferriol, Ferriol d'Argental, qui va devenir un ami privilégié de Voltaire pour tout ce qui concerne le théâtre et ses affaires théâtrales. Il y rencontre aussi Madame du Deffand. Donc, c'est l'occasion, en effet, d'esquisser une carrière, de rencontrer des gens de pouvoir et de bénéficier de leur influence pour, effectivement, ensuite s'assurer un avenir. Incontestablement, il y a cette dimension de parvenir. Est-ce que tous les salons sont tenus par des femmes ? Et essentiellement, oui. Je pense que chez Madame de Ferriol, Monsieur de Ferriol apparaît. Peut-être que le salon de Dolbach, lui, le salon du baron Dolbach, ce salon qui abrite les matérialistes et les athées, je pense que le baron Dolbach est prééminent. Mais sinon, que ce soit la roturière Madame Geoffrin ou l'aristocrate Madame du Deffand ou Julie de Lespinasse, on a effectivement une prééminence des femmes. Vous avez cet ouvrage des frères Goncourt qui s'appelle « La femme au XVIIIe siècle » et dans lequel il y a un texte célèbre dans lequel ils disent que la femme au XVIIIe siècle est la souveraine des lettres. Donc c'est ça. Alors avec tout ce que ça peut comporter, comme évidemment certaines restrictions, mais il est vrai qu'elles ont une énorme influence. Mais aussi en tant que femme de lettres d'ailleurs, ce n'est pas simplement les tenancières du salon. Ce ne sont pas simplement les tenancières du salon. Madame d'Épinay a publié, comme vous le savez, une histoire de Montbrillant, ce qui est les contre-confessions de Rousseau. Et c'est une, effectivement, c'est une auteure. Madame du Châtelet également. Alors oui, Madame du, je ne sais pas si Madame du Châtelet a tenu salon. Non, justement, oui. C'était une intellectuelle, oui. le mot. Mais ce qu'on pourrait dire, par exemple, c'est Madame du Deffand, et sa correspondance avec Voltaire est tout à fait exemplaire, puisqu'ils sont tous les deux sur un pied d'égalité, et les lettres de Madame du Deffand sont des chefs-d'œuvre littéraires, pour une grande partie, autant que les lettres de Voltaire. Donc effectivement, elles ne peuvent pas s'exprimer, je dirais, au niveau des publications, à la mesure des hommes. Mais elles ont effectivement des qualités littéraires considérables. Je signalerai par exemple le salon de Madame Necker. Madame Necker est l'auteur de Mélanges et de Nouveaux Mélanges qui sont parus au début du 19e siècle et qui sont des mines. Et c'est une véritable femme philosophe à redécouvrir. Et je sais qu'il y a deux universitaires, deux collègues femmes universitaires qui sont attelées à publier l'intégralité à partir des manuscrits, qui sont à Coppet, je crois, à partir de l'intégralité des manuscrits, donc la version intégrale de ces mélanges et de ces nouveaux mélanges, parce que jusqu'ici, on a deux éditions qui ont été réalisées par son mari après sa mort, et on peut penser qu'il a supprimé peut-être ou écarté certains passages gênants. Mais pour lui, pour l'entourage ou la postérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une mine philosophique tout à fait importante, en effet. Alors, peut-on débattre de tout ? Peut-on débattre avec tout le monde ? Faisons un passage, je vous propose, Alain Sagère, d'aller voir comment ça se passe à la cour de Versailles, dans la cour du roi Louis XVI, et avec la possibilité, la tentative de démontrer l'existence de Dieu, un extrait à écouter jusqu'au bout. Je suis tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. Les Égyptiens qui gravèrent ces mots sur le fronton de leur temple croyaient qu'il n'y a qu'un effet dont on puisse demander quelle est sa cause. Or, l'univers ne se présentait à ces païens que sous l'aspect d'une cause très puissante. Dira-t-on encore que notre siècle manque de grands religieux ? La cause première de toute chose doit être nécessaire, absolue, parfaite. Donc, il ne peut y avoir deux êtres infiniment parfaits, car deux ne feraient pas plus qu'un. L'être parfait ne peut être divisé. Celui qui est par lui-même ne peut changer. Or, le temps est la mesure du changement. L'infiniment parfait ne change pas. Unité, immutabilité, éternité, c'est lui, c'est Dieu, cause insouïe, sa propre cause. Bravo Villecourt, c'est lumineux. Bravo, bravo. Bravo, ce n'est rien. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrai tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté. Tu finiras à la Bastille, j'y veillerai, philosophe. Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit. Ou comment les traits d'esprit peuvent nous coûter très cher. C'était un extrait du film Ridicule de Patrice Lecomte qui est sorti en 1996 où l'on entendait l'abbé de Villecour joué par Bernard Giraudot démontrer l'existence de Dieu pour mieux, à la fin, signaler qu'il pourrait tout à fait démontrer l'inverse. Autant dire finalement que l'art d'argumenter, de débattre de quelque chose n'est au service de rien, si ce n'est, et nous n'avons pas prononcé le mot à l'insagère, de la pure rhétorique. Oui, pour quand même fixer les choses... Et ça va apparaître comme un paradoxe. Mais chez Madame de Lambert, les questions politiques et religieuses sont absolument interdites. Ah oui ? Il n'est pas question d'en parler. Et c'est un paradoxe puisque tout à l'heure, je vous ai dit que s'opérait là un croisement entre les gens de lettres et les aristocrates et que ça allait devenir un ferment révolutionnaire, comme quoi les choses nous échappent. Il y a aussi la fameuse phrase par laquelle Madame Geoffrin arrête les polémiques qui risquent de se développer et d'éclater. Allons, voilà qui est bien. Voilà. Alors là, bon, la parole de la maîtresse du salon suffit à arrêter. Chez Madame Dudéfant, la frivolité seule est de mise. Hein, voilà. Et puis, de toute façon, chez Madame Dudéfant, le salon de Madame Dudéfant, ça tourne autour de Madame Dudéfant. Elle est le centre, la périphérie, le contenu et la forme. Donc, voilà. Mais par contre, quand Julie Lespinasse quitte Madame Dudéfant avec perte et fracas, et emmène, si j'ose dire, avec elle d'Alembert, alors le salon de Julie, là, les grandes questions scientifiques, morales et esthétiques sont ouvertement débattues. Là, on passe à une phase différente du contenu. C'est-à-dire, Madame Dudéfant recommande la frivolité. La frivolité est un avantage et est recommandée. Tandis que chez Julie, évidemment, là, on va changer de registre. J'ai évoqué tout à l'heure le baron d'Holbach. Là, donc, chez le baron d'Holbach, c'est l'abomination de la désolation, du point de vue de l'orthodoxie et de l'ordre des choses. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas les plateaux télé, mais on avait la cour du roi ou certains salons avec des étiquettes très contraignantes. Au fond, étions-nous plus libres de débattre au XVIIIe siècle que nous le sommes aujourd'hui? La réponse est sans doute non, non? Disons, il y a deux choses. Dans le débat public, il y a aussi toutes les publications, évidemment, y compris les publications clandestines, les libelles, l'épigramme, tout ce qui peut être colporté en brochure. Donc, il y en a effectivement un très grand nombre. Ceci étant dit, la censure veille et il faut sans cesse des mesures de contournement, de dissimulation, d'ironie, vous savez que ironia veut dire dissimulation, en bon grec. Donc, effectivement, il y a à la fois des espaces de liberté qui sont effectivement déterminés par exemple, par ces salons, et puis une très grande répression du point de vue des publications écrites, hein, bien entendu, qui sont soumises à une censure très importante, même si par exemple, sous Malesherbes, etc., il y a, avec les encyclopédistes, des compromis. Mais au fond, c'est en dents de scie. Si l'encyclopédie est à un moment, par exemple, protégée par Malesherbes ou par Madame de Pompadour, si Madame de Pompadour tombe en disgrâce, alors à ce moment-là, l'encyclopédie va en même temps en subir les conséquences. Il y a une dizaine de volumes est publié, puis en 1759 tombe l'interdiction, jusqu'au moment où, en 1765, une série de volumes pourra être publiée. Donc, c'est en dents de scie. Il faut un protecteur. Il faut un protecteur. Et puisque je parlais de l'encyclopédie, on dit toujours l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais je crois qu'il faut ajouter le chevalier de Jaucourt, qui est le troisième protagoniste, qui a donné des milliers d'articles à l'encyclopédie. Il avait un véritable atelier. Mais en même temps, c'est un monsieur d'une grande famille. Et donc, jusqu'à un certain point, il protège de son nom l'entreprise de l'encyclopédie. Hein, vous voyez, donc là, c'est évidemment tout un continent, mais il y a d'un côté l'art de la conversation avec ses raffinements, son élégance, son souci de la personne, et puis il y a des querelles sordides et des controverses abominables. Et je dirais, la seule chose qui les différencie des réseaux antisociaux, c'est la possibilité d'instantanéité, de communication instantanée. Et voilà. Les réseaux sociaux. Contre les réseaux antisociaux, ça donne les réseaux sociaux. C'est ça. Mais je pense que le salon est un vrai réseau social, par exemple. Voilà, c'est ça. Ils l'ont tous lu. J'ai compté que 4-5 juges, pas plus, disons 10, iraient dans le sens de Voltaire. Mais pas tous. Pas tous. Remarquez, sire, dans un attelage, il arrive qu'un cheval se dérobe. Mais là, toute une écurie. Et non content de se faire imprimer par Cramer à Genève, il a installé une imprimerie dans sa demeure. Et il presse, à tour de bras. Et bien entendu, on l'a interdit, ce livre. Mais justement parce qu'il est interdit, tout le monde le veut. Les Français sont comme ça. Mais vous avez intercepté. Pas suffisamment. Il lui fallait mettre des gens sur tous les chemins du royaume, dans toutes les échoppes, tous les salons. Et je ne parle pas de l'Angleterre, de la Prusse, de la Russie, de la Pologne, du Danemark. Il en aurait envoyé aux Turcs que je ne serais pas autrement surpris. Pas aux Turcs, tout de même. Qu'est-ce qu'il dit? Voyez-vous-même, Majesté. Traité sur la tolérance. Vous l'avez lu? En entier? Il a bien fallu. Et alors? S'il ne s'agissait que des calasses. Mais non. Il généralise. Il proclame des idées inconséquentes. L'égalité serait de nature à éviter les erreurs judiciaires. Les hommes devraient pouvoir choisir qui les gouverne. Non. Si. Il dit aussi, l'affaire Callas affecte la liberté de pensée et de croyance. Cette liberté est une exigence première des peuples, et plus loin, puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Ce sont ces mots. Les bourgeois en font leur gorge chaude, et même plus haut. Quant à plus bas, heureusement le peuple ne sait pas lire. Malheureusement, il n'est pas sourd, mon cher Choiseul. Puisque l'on parle de débat et de débat public, eh bien Voltaire, à l'occasion de l'affaire Callas, qu'on va rappeler dans un instant, crée un nouvel espace public dans lequel l'homme de lettres qu'il est peut intervenir, y compris pour défendre une cause juridique. Vous venez d'entendre un extrait d'un téléfilm réalisé par Francis Resser et écrit par Alain Moreau. Voltaire et l'affaire Callas, vous avez entendu Choiseul et le roi discuter du retentissement que ce traité sur la tolérance de Voltaire écrit des suites de l'affaire Callas a eu sur la population française. Alain Sagère, est-ce que vous voulez nous rappeler ce qu'est l'affaire Callas, peut-être avant de comprendre l'investissement de Voltaire dans cette affaire? Oui, absolument. On est en 1761 et à Toulouse, un protestant, Jean Callas, est exécuté. À la suite d'un simulacre de procès, je vais y revenir, parce qu'on a trouvé lors d'une soirée son fils mort au domicile, et une rumeur et des accusations se multiplient, tendant à dire que Jean Callas aurait tué son fils parce que ce protestant ne supportait pas que ce fils devienne catholique. Voilà. Et sur cette base-là, il y a un emballement qui aboutit à l'exécution de Callas. Non, de Callas père, oui, c'est ça. Il a des fils, mais la veuve, heureusement, et les fils échappent au terrible châtiment. Alors, il faut dire, évidemment, au début, on aurait été exactement dans la même situation, Voltaire commence par penser que ce protestant fanatique a été puni et qu'il est coupable et qu'il a été puni et que, ma foi, c'est dans l'ordre des choses, bien que l'exécution soit évidemment fort répréhensible et condamnable en soi d'un point de vue humain. Et donc, jusque-là, il n'y a pas d'affaire Callas. Jusqu'au moment où Voltaire reçoit à Ferney la visite de Donna Callas, qui est le fils cadet, et le fils cadet vient le convaincre qu'effectivement, il est absolument impossible que son père ait commis un tel crime, que la famille est totalement innocente, et qu'en réalité, il s'agit d'une abominable erreur. Bon, et en moins d'un mois, ce qui n'est pas si mal, hein, il y en a qui lui font grief à Voltaire de ne pas avoir réagi tout de suite, mais on examine une information quand on a les éléments. Bon, bref, et à partir de ce moment-là, je crois que là, les talents de débatteur de Voltaire vont se révéler au sens d'abord judiciaire. Vous savez, j'ai défini tout à l'heure, dans le cadre de la jurisprudence, le débat comme la contestation que l'on a avec quelqu'un et la discussion d'un point contesté. Et je crois que c'est très important, c'est quelque chose qu'on ne met pas en avant, c'est que Voltaire va refaire l'instruction. Il dit, les juges, sans doute, c'est une chose indéniable, ils ont été infestés par le climat, l'ambiance de fanatisme qui reste à Toulouse. Et donc, ils ont été incapables de discerner le vrai du faux. Mais en même temps, ils se sont fondés sur ce qui est la thématique dans l'Ancien Régime, la thématique de l'aveu. Mmh. Bon. Or, lui, il dit il faut reprendre une instruction à partir des faits en suivant une méthode rationnelle et méthodique. Donc il se fait juriste. Ah mais il se fait avocat, il se fait juriste, il se fait vraiment avocat de la défense. C'est un avocat de la défense, juriste en effet, en tout cas avocat de la défense, en reprenant, en refaisant l'instruction. Et c'est passionnant, on n'a pas le temps, mais de revoir les éléments petit à petit. Il constitue un dossier, un contre-dossier, un dossier de défense, et il montre comment en réalité les accusations, compte tenu des circonstances, du déroulement de la soirée, etc., objectivement, il est impossible que le père ait commis le crime dont on l'accuse. Et donc, c'est un tissu d'absurdité et peut-être de mensonge, mais en tout cas, c'est une erreur judiciaire manifeste. Donc là, c'est le terme de débat au sens juridique que vous évoquiez en début d'émission, mais au nom de quoi Voltaire s'investit-il dans cette affaire? Au nom du bon fonctionnement de la justice? Au nom de la laïcité, puisqu'il s'agit quand même de religion? Au nom de l'exercice de la raison? Comment faut-il comprendre cet engagement? Au début, il pense que Calas, en tuant son fils, puisque c'était l'information, était un fanatique. Et donc, voilà. Donc, et vous savez combien le fanatisme le hérisse, voire même pire. Mais là, il découvre que Calas, en réalité, la situation est renversée. Il découvre que Calas est la victime d'un abominable fanatisme qui s'est, voilà, et qu'il y a eu un emballement, et que sous la pression, je dirais, de l'opinion publique toulousaine, il faut bien le dire, les juges se sont laissés déborder, et qu'en réalité, Calas est la victime du fanatisme, au lieu d'en être le promoteur, comme ça a été présenté au départ. Voilà. Et il y a aussi, quelquefois, on voit ça même chez les anti-voltairiens d'aujourd'hui, qui ne sont pas bien, qui sont nuls, faut dire. Bon, enfin bref, parce que il a une mauvaise idée des protestants. Pour lui, les protestants sont des obscurantistes, et il considère que Madame Calas, la veuve, est un peu simple d'esprit, ce qui est possible. Et on lui en fait grief, on dit regardez, voilà comme il dénigre, etc. Mais moi, je crois qu'il faut donner à Voltaire le bénéfice du fait que il a su surmonter ses préjugés, justement, surmonter ses préjugés et mettre le principe de justice au-dessus de tout. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes capables d'aller au-delà de nos préjugés et de nos emportements émotionnels et d'examiner sereinement ce que un adversaire ou quelqu'un de différent promeut ou défend? Et est-ce que nous serions capables, effectivement, de venir à son aide et à son secours, comme Voltaire l'a fait? Je n'en suis pas si sûr. Le fait-il au nom de la justice ou de la vérité? Alors je crois de la vérité judiciaire. Incontestablement, de la vérité judiciaire. Comment, de la justice, bien entendu, mais au fond, de la vérité judiciaire. C'est-à-dire, comment établir les faits en matière de justice? Voilà, hein. Il y a un opuscule qui, justement, s'intitule, je crois, je sais peut-être le titre exact, « Des probabilités en matière de justice ». Il a essayé, dans un opuscule, d'appliquer le principe mathématique de la probabilité à la, je dirais, à l'appréciation des éléments d'un procès, je dirais, qui met en cause des parties antagonistes. Alors, ça marche pas bien. Ça marche pas bien parce qu'il y a trop d'éléments humains. On ne peut pas réduire à une quantité mathématique, je dirais, des motions, des mobiles, des faits proprement humains. C'est une leçon aussi. Oui. Mais la tentative est louable en ce sens que ça tend vers l'objectivité. C'est ça. Voilà, il faut sortir du point de vue subjectif, que ce soit le préjugé du juge ou même l'aveu du présumé innocent. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'un homme de lettres s'engage de cette manière dans un procès? Et deuxièmement, j'ai parlé de débat public, c'est la constitution d'un nouvel espace public. Quelle forme prend-il à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas les médias, l'imprimerie, mais enfin bon, c'est pas le même rapport à l'impression que tel que nous le connaissons aujourd'hui. À quoi ressemble cet espace public? Alors, c'est le premier. Bon, ça, c'est incontestable que l'affaire Calas marque, au fond, ce que vous avez appelé tout à l'heure, l'ère des intellectuels. Ouais. Et effectivement, voilà. L'affaire Calas et aussi l'affaire du Chevalier de la Barre, est le modèle de ce qui deviendra après l'affaire Dreyfus. Et on peut mettre un signe de continuité entre Voltaire et Zola, incontestablement. Et donc là, ça met en avant et en évidence le fait que, comme je le disais tout à l'heure, les gens de lettres sortent vont sortir de leur sphère proprement littéraire et intellectuelle pour se porter aux grandes questions. Bon, c'est pas le cas de Rousseau, parce que, bon, comme dit de façon amusante, je crois que je l'ai déjà dit sur cette antenne, mais tant pis. Comme le dit de façon amusante Jean Starobinski, Rousseau, lui, il est débordé par l'affaire Rousseau. Donc, bon, il peut pas... Voilà. Mais gardons Rousseau pour la suite. Restons avec Voltaire. Alors, ce que vous avez dit, effectivement, alors, ensuite de l'espace public, oui. Alors là, effectivement, Voltaire va employer les grands moyens. Il y a des centaines de lettres jusqu'à la réhabilitation de Calas en 1765, hein, entre donc 1762, 63 et 65. Il y a des centaines de lettres qui sont adressées à tout ce qui peut être représenté, hein, une influence possible. Donc les fameux salons, bien entendu, les salons dont nous avons parlé. Et comme ça a été très bien dit dans l'extrait que vous avez diffusé, effectivement, les puissants, les gouvernants, les magistrats, y compris les cours d'Europe, les monarques et les cours d'Europe, c'était très bien dit dans l'extrait, effectivement, il ameute l'Europe, et il ne cesse de multiplier les rencontres, il organise une visite, si j'ose dire, entre guillemets, de la famille Calas à Paris, enfin, il y a toutes sortes de... Hein, pour présenter la malheureuse famille, et donc attirer la compassion, il use de tous les registres possibles et imaginables, et effectivement, il crée au fond, dans une certaine mesure... ce qu'on appelle le poids de l'opinion publique. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui va l'emporter sur les juges de Toulouse, effectivement. C'est ce poids de l'opinion publique qui va amener la réhabilitation, finalement, après bien des aléas judiciaires, la réhabilitation de Calas. Et Voltaire, mais donc, tout le bien, tout le mal qu'il puisse penser de tel ou tel de la famille Calas, continuera à s'occuper de la famille Calas. Et sa veuve... quand sa veuve sera présente au Panthéon en 1791, quand Voltaire sera transporté au Panthéon, la veuve Calas est là. Voilà. Okay. Dans son traité sur la tolérance, qui est donc en lien direct avec l'affaire Calas, on y lit des phrases qui ont un écho étrange aujourd'hui. Alors c'est un texte qui avait beaucoup été cité au moment des attentats de 2015 en France, pour cette histoire de tolérance. Justement, jusqu'où devons-nous tolérer ce que tout le monde fait et ce que tout le monde dit ? C'est une question qui se pose lorsqu'on parle du débat public, comme c'est le cas aujourd'hui. On trouve cette phrase, je crois, mais corrigez-moi si je me trompe à l'insagère, que la seule limite à la tolérance, c'est l'intolérance. Oui, il y a un chapitre du traité sur la tolérance qui s'appelle que l'intolérance est de droit humain. C'est ça. Et donc oui. Nous ne devons pas tout tolérer. Il y a une limite à la tolérance. Il faut encore, dit-il, n'être pas fanatique pour mériter la tolérance. Et donc... ça se mérite. Ça se mérite. Et oui, si on est un fanatique meurtrier, ou quelqu'un qui, au nom de telle ou telle conviction, cherche à troubler la société, renverser son ordre civil, instaurer, l'animosité, les antagonismes, voire même les oppositions meurtrières, celui-là, il faut l'écraser. À l'écraser. Il faut l'écraser. Au moment de l'affaire Labarre, ce malheureux chevalier exécuté pour blasphème, c'est la dernière fois en France, mais enfin c'est une fois de trop. D'Alembert dit bon, finalement ce fanatisme, on peut quand même encore en rire. Et Voltaire est choqué. Il dit non, devant le massacre, on ne rit pas, on ne plaisante pas. Je crois qu'il y a, parce que quelquefois dans les débats contemporains, effectivement, oui. On comprend pas bien. Pour Voltaire, c'est clair et net. Le croyant, bienveillant, doux, pacifique, qui ne fait de mal à personne, qui est effectivement chaleureux, qui en un mot civilisé, celui-là, il faut le laisser tranquille, même si on considère que ce qu'il croit, c'est des superstitions imbéciles ou des choses incroyables. Bon, ça, c'est son affaire, mais même si on pense ça, il faut le laisser tranquille. Par contre, le fanatique... c'est ce que je disais tout à l'heure, le fanatique meurtrier, là, celui-là, pas de quartier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, et ça, il ne faut pas le tolérer, mais Karl Popper, hein, dans La société ouverte et ses ennemis, a bien résumé, si j'ose dire, le paradoxe qui consisterait à dire qu'on tolère tout. Parce que si on tolère l'intolérant, à un moment, c'est lui qui prendra le dessus. Si on tolère même l'intolérant, l'intolérant prendra le dessus, à ce moment-là, il n'y aura plus de tolérance. Mais comment on juge de l'intolérant ? Il y a une définition objective de celui qui est intolérant. C'est celui qui impose aux autres, qui interdit les autres de faire quelque chose ? Celui qui va remplacer, je dirais, le débat par l'appel à la haine, l'appel à la haine et au meurtre. Voilà, celui... au fond, le racisme, voilà. On ne débat pas avec un raciste. On ne débat pas avec un raciste, bien sûr, on le condamne. Et même pour essayer de lui donner tort. Mais je crois, alors ça, je crois que c'est terrible. Voltaire le dit, il n'y a rien de plus difficile à dissuader et à éclairer qu'un esprit infecté par le fanatisme, malheureusement. Et donc, je crois que il y a trop de passions égoïstes dans le racisme, par exemple. Il y a trop d'intérêts et de passions égoïstes sous-jacentes qui sont au-delà du problème purement racial. Une volonté de puissance, de domination, des intérêts économiques, des intérêts passionnels. Je suis un pétzouille, mais au moins, moi, je suis tout blanc, et donc, voilà. Oui. Et voilà, c'est ça. Et donc, j'ai un inférieur, sur lequel je peux, voilà. Oui, donc, mais ça, c'est indéracinable. Mais ça donne raison aux partisans aujourd'hui de la cancel culture qui disent, mais non, il y a des choses qu'il faut effacer du vocabulaire, ou aux partisans de l'absence de débat, ceux qui prônent l'impossibilité de débattre avec certaines personnes en disant, bah non, on ne débat pas avec tout le monde, donc moi, je m'autorise le droit de ne plus débattre, ce qui est jugé aujourd'hui violent par l'autre partie de la population, qui au contraire prône le débat, la libre expression des opinions et la possibilité peut-être d'argumenter en faveur et contre une certaine opinion. Oui, mais là, dans cette cancel culture, on est, je dirais, dans des dimensions aberrantes. C'est totalement, là, c'est totalement hors de propos, puisque là, on fait la chasse aux mots, finalement, plutôt que la chasse aux choses. Si vous voulez supprimer le mot nègre, qu'est-ce qu'on va faire de négritude ? La belle expression de Léopold Sédar Senghor, qui dit tout d'une condition, justement, du noir et de sa revendication. Donc, si vous prenez, il y a comme ça des aberrations. Prenez par exemple le roman de Faulkner, Absalon. Vous avez un planteur, ceux de peine, qui est un abominable, je dirais, esclavagiste. Bon. Faulkner fait bien la différence. Quand le personnage de ceux de peine, il emploie le mot nègre. Et quand le narrateur ou d'autres personnages parlent, ils disent le mot noir. Si vous uniformisez en disant le mot noir partout, vous allez améliorer le personnage du planteur. Donc, qui apparaîtra comme plutôt sympathique. Ou moins, oui, mais alors ça, c'est pour les mots. J'entends votre position, mais pour les paroles, est-ce qu'il faut annuler, cancel culture, c'est quand même annuler, donc sortir de l'espace médiatique certaines paroles au motif justement de leur fanatisme, de leur racisme, etc. Je dirais tout dépend du contexte, tout dépend de ce que recouvrent les propos avancés. Bien sûr que tout peut être débattu dans un cadre, j'allais dire dans le cadre défini par l'abbé Morellet. Mais alors, le cadre civil. Je renvoie les auditeurs en début d'émission. Il faut télécharger l'émission pour entendre, parce que vous avez énoncé l'éthique du débat de l'abbé Morellet qui est absolument indispensable. Mais par exemple, est-ce que vous pourriez accepter de débattre avec n'importe qui ou pas? Non, je ne débattrai pas avec tel ou tel chroniqueur du Figaro ou de CNews, voilà. Ah, ça commence au Figaro, vous, la limite. Je lis quotidiennement ou presque quotidiennement le Figaro. Mais il y a un chroniqueur que j'évite. Voilà, c'est tout. Donc vous croyez le droit de refuser de débattre avec des personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord. C'est plus qu'un désaccord. Je veux dire, quand on vise des mineurs et qu'au fond on risque de provoquer à leur égard des agressions, alors qu'ils sont en situation de vulnérabilité. À quoi vous faites référence, pardon ? Mais vous n'avez pas entendu ce chroniqueur dont je ne veux pas citer le nom disant que les mineurs étrangers sur notre sol étaient tous des violeurs, des menteurs et des assassins ? C'est à propos d'Éric Zemmour. C'est ça, voilà. C'est moi qui l'ai dit. C'est vous qui l'avez dit. Bon, je pense qu'on débat pas avec un personnage de ce type. D'ailleurs, d'un autre côté, mes amis voltairiens voulaient répliquer. il fait preuve d'un anti-voltairianisme de bas étage, quelque chose d'effrayant. Moi, je pense qu'il ne faut pas répondre. Mais alors quoi ? On laisse ? Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'intention de... Dans le meilleur des cas, d'éducation, alors je parle même pas de persuasion, de démontrer à l'autre qu'il a tort, mais il y a une forme de pessimisme et de fatalisme à dire « Ah, ben non, celui-là, il est fanatique, celui-là, il est raciste, donc tant pis pour eux, on les laisse, et puis on parle entre nous, entre gens d'accord qui sont persuadés d'être du bon côté. » Mais tout dépend, il faut une base d'accord minimum. Et cette base d'accord minimum, surtout par les temps qu'on traverse, je l'appellerais « humanisme et civilisation ». Voilà, c'est bon. Il y a des propos atroces de à terre qui veut dire noir. Voilà, bon. Il y a des propos atroces. Bon, ces propos atroces, on peut pas les laisser passer. On peut pas laisser passer l'antisémitisme. Enfin, je veux dire ça. Non, je ne débattrai jamais avec un antisémite. Enfin, je veux dire, l'antisémitisme, ça se discute pas. Comme dirait Voltaire, ça s'écrase. Et il est temps. Il est plus que temps, d'ailleurs. Parce que c'est quand même un peu un scandale de voir ressurgir enfin des propos, des manifestations qu'on aurait cru définitivement enterrées. Enfin, c'est effrayant. Ce qui s'est passé à Toulouse, voilà, encore une fois, au moment de l'affaire Mera, vous voyez. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas. La propagande, je dirais djihadiste, c'est ça. On ne discute pas avec un djihadiste. Je veux dire, bon, peut-être que... Non, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de terrain commun. Il faut un terrain commun, et ce terrain commun, ça doit être humanisme, je dirais, liberté de conscience et civilisation. Est-ce pour cela que Voltaire a pu, un temps, discuter, débattre avec Rousseau ? Parce qu'il y avait ce terrain commun ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de convergences. Il y a beaucoup de convergences entre Voltaire et Rousseau, indépendamment de leurs querelles, parce que là, ce sont des querelles. Il faut dire qu'à la fin, ça tourne un peu au pugilat. Il faut pas se le cacher. Et de ce point de vue-là, moi, je reste aussi critique et lucide à l'égard de Voltaire. Il y a des côtés sombres de Voltaire, incontestablement, des côtés mesquins que les voltairiens ont toujours su. Contrairement à ce qu'on croit mettre en évidence et relever, mais je crois, je dirais ça parce que ce que vous dites effectivement me titille. Penser, c'est pensare, latin peser. Voilà, c'est peser. Donc on met dans la balance, dans chaque plateau de la balance, on met voilà un poids et ensuite on estime. Mais il faut que chaque propos soit contrebalancé. Or, dans certaines invectives, il y a effectivement un poids unique qui est jeté. Et il n'y a pas place pour la réplique. Mais oui, le problème, Alain Sagère, c'est qu'il y a très peu de personnes dans ce cas qui sont capables de débattre. Mais malheureusement, c'est l'époque peut-être qui veut ça. Hein, effectivement, le symbole de la balance est aussi le symbole de la justice. Regardez ce qui se passe avec Heidegger. Vous voyez, voilà, c'est les plateaux de la balance. Évidemment, dans un plateau de la balance, il y a un poids énorme. Quand on a été au parti nazi pendant des années, et puis antisémite plus que sur les bords, bon, vraiment, ça fait un énorme poids. Mais dans la balance, mais est-ce que ce poids, est-ce qu'on ne met rien dans la balance d'en face ? Est-ce qu'on se contente, voilà, peut-être la cancel culture, de jeter Heidegger aux oubliettes ? Là, je réponds non. Ah. Voilà, là, il faut pas l'éliminer. Être étant, on le met sur l'autre plateau de la balance, c'est ça, il y a l'antisémitisme d'un côté, être étant de l'autre, et on regarde ce qui se passe. Il y a l'antisémitisme naziste d'un côté, et de l'autre côté, il y a la philosophie. Mm. On a décidé, je ne sais pas pourquoi, que la philosophie était nazie, et donc on l'a passée dans l'autre plateau, le plateau qui fait pencher la balance du mauvais côté, et puis donc c'est réglé. Mais peut-être que tout dans la philosophie de Heidegger n'est pas nazi. Donc peut-être que quand il parle de la poésie, peut-être de Hölderlin avec René Char, résistant, peut-être qu'il n'est pas nazi. Donc vous séparez possible. L'homme de l'œuvre. Vous refuseriez de débattre avec Heidegger ou un nazi, mais en revanche, vous êtes prêt à lire son travail. Oui, bien entendu. Vous lisez Céline. Bien entendu, je lis Céline, bien entendu. Bien qu'il soit un effroyable personnage. Le problème, c'est que Destouches est un affreux. Mais Céline est un grand auteur. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que, à part vous, Adèle Van Rett, mais le fond de notre âme à tous est noir. Faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. Le fond de notre âme à tous est noir. Bon. Mais vous avez des gens qui, à un moment donné, sont, c'est pas comparable, mais sont Destouches ou Arouet. Rappelez-nous qui sont... Destouches, c'est le nom véritable de Céline, et Arouet, c'est le nom véritable de Voltaire. Ils sont capables, je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut encore entendre et comprendre, de se sublimer. Hein. C'est-à-dire d'être au-dessus de leur fond fangeux et de produire quelque chose qui justement se situe au-dessus, sur un autre plan, qui dépasse la singularité du sieur Arouet et qui devient universellement communicable. Ça, tout le monde ne peut pas le faire. L'âme de tout le monde est noire, mais tout le monde ne peut pas produire sur ce fond-là, sublimer une œuvre qui justement parle à tous et qui fait de Voltaire, pas de Céline, mais de Voltaire un phare des Lumières, un phare en matière de justice, d'humanisme et de liberté de conscience. Et là, je crois, c'est pour ça que ça sert à rien de discuter avec le personnage, parce que de toute façon, Voltaire, qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que Voltaire est indéboulonnable. Ça, tout indéboulonnable de ce point de vue-là. J'ajouterais... Un dernier mot, allez-y. Ah, oui, non, on peut passer à Rousseau. Ben non, que... mais c'est, l'émission est terminée. L'émission est terminée, alors un mot. Voltaire et Rousseau, pendant la Résistance, étaient du même côté de la barricade. Et, je dirais, tous les deux, ils ont fait l'objet de tentatives de récupération et surtout de calomnies et de dénigrements. Mais il s'est trouvé des résistants au prix... de leur vie et de leur sécurité pour défendre la mémoire de Voltaire et de Rousseau dans des écrits clandestins. Ils ont pris ce risque-là. Et donc je pense que ça devrait faire honte aux anti-voltairiens et aux anti-rousseauistes d'aujourd'hui. Merci Alain Sageur, merci d'être venu nous parler du débat au XVIIIe siècle et donc aujourd'hui, ce matin, et je renvoie les auditeurs à vos ouvrages, L'apprendre à philosopher avec Voltaire chez Ellipse, et puis on attend avec impatience votre dictionnaire de Voltaire, philosophe. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. While the distance in existence, join the resistance. Come on, let's start by talking tactics. Have a pass and match us. Here's how we practice the lost art of conversation. David Jason, Francis Bacon, Frank Lampard is gonna take some concentration. But all the best things do. Que faisons-nous du débat public ? C'est la journée spéciale organisée par France Culture qui continue toute la journée donc dans chacune des émissions que vous connaissez. Florian Delorme, Lucille Comeau, Tiffaine de Rocchini, toute la journée vous pourrez entendre des émissions sur ce sujet. Lost Art of Conversation, c'était The Divine Comedy sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les vendredis, de retrouver notre instant archive de la semaine, la philo dans le rétro. Aujourd'hui, la parole est à Roland Barthes. C'est une archive du 3 décembre 1962, dans lequel il réfléchit non pas tant au débat, mais sur l'usage de la parole et de ses accents. Vous croyez avoir la radio ? Vous n'aurez vraiment la radio qu'avec un poste moderne. RTF, France 3 Nationale, présente l'usage de la parole. Deuxième série, tout dire et se comprendre. Une émission consacrée à la communication, présentée par le service radio de l'UNESCO. Aujourd'hui, seconde émission, les forteresses de la pensée. avec Roland Barthes, Roger Caillois et Tarditz, et Madame Calame Griol. Vous voyez, le langage, au fond, c'est un problème très simple. On prend des mots, on les apprend, et ensuite, ils veulent dire justement ce que vous vouliez dire. Mais non, ça n'est pas si simple. Et nous allons demander à Monsieur Barthes, qui est un spécialiste du Centre d'études de communication des masses, de nous parler un peu du langage, qui est un phénomène social et aussi un phénomène complexe. Eh bien, le langage comprend, si vous voulez, presque toujours deux message. Nous croyons que lorsque nous énonçons une phrase, nous disons simplement une chose, la chose qui est supportée par les mots, alors qu'en réalité, sans nous en rendre compte, nous émettons très souvent un second message qui est confié évidemment alors non plus aux mots eux-mêmes, mais à la façon de prononcer la phrase, au ton, à la diction, etc. C'est ce que j'appellerais, alors si vous voulez, le message second. Essayons d'abord de donner des exemples. Oui, alors si vous voulez... J'ai pensé en parlant à un exemple extrêmement classique, puisqu'il nous est fourni par un récit de la Bible. On avait là deux parties qui étaient en guerre, dont les Éphraïmites. En face, il y avait un prince qui s'appelait Galad. Galad a mis en défaite les Éphraïmites. Et tous les Éphraïmites se sont sauvés, et pour se sauver, ils devaient passer sur un certain pont. Mais naturellement, comme les soldats de Galad gardaient ce pont, les soldats de Galad interrogeaient tous ceux qui passaient sur le pont pour savoir s'ils étaient Éphraïmites. Et naturellement, personne ne répondait qu'il était Éphraïmite, bien entendu. Et alors, les soldats de Galad avaient trouvé ce système que nous appellerions aujourd'hui une sorte de test, si vous voulez, sur le message second. Ils demandaient aux fuyards de prononcer un certain mot. Ce mot, c'était Shibboleth. Shibboleth, peu importe ce que ça veut dire épi ou torrent. Mais les Éphraïmites, en raison justement de leur situation linguistique d'Éphraïmites, n'arrivaient jamais à dire Shibboleth, ils disaient Shibboleth. Et alors à ce moment-là, ils se dénonçaient par là même comme Éphraïmites et on les tuait. C'est d'ailleurs un très bel apologue puisque ça prouve qu'il y a une sorte de terreur du langage. Trahi par son accent. D'ailleurs, je pense que ce que nous pouvons faire, c'est faire entendre un certain nombre d'accents. Agadower. Faut-il quand même que vous me croyez berlaude pour penser que je vais croire qu'à cause de votre passoire, on va m'entendre d'ici à genoux? Je dois vous dire qu'il y a un accent canadien d'une façon générale. J'en sais quelque chose puisque, dans mes nombreux voyages en France, dans toutes les régions que j'ai visitées, on me dit toujours « Ah, nous reconnaissons votre accent canadien. » Vous ne connaissez pas ce train? Mais si, n'est-ce pas? C'est à côté de Tilleur. Ah ouais, dans la province de Liège. Du reste, je suis à un quart d'heure des Guillemins par le tram et à 10 minutes à peu près des bons enfants, savez-vous? La grand-mère, alors, a conduit avec son chapeau sous les yeux, là. Leur voyait un petit peu pour se ranger. Pour ranger une 4 chevaux, il lui faut la place de la Concorde. Alors, je sais pas, mais une 4 chevaux, ça se met sous le bras. La vraie pétanque, c'est la longue. Et la longue, on saute 3 pas et on lance à la boule pour tirer. Et pour pointer, on fait un rond, un pas et on pointe. Merci beaucoup Roland Barthes, qui sait, à bientôt. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie de Manon de la Selle, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Bosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui a réalisé pour vous cette série d'émissions. À la prise de son, c'était Laurie Vachon. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions. On vous parlera de Saint-Simon, l'écrivain Saint-Simon qui s'est fait espion à Versailles pour écrire ses mémoires. On parlera de poison, d'intrigue, de coulisses, de secrets, de pouvoir, de vérité, du détail qui tue. Vous verrez, c'est un programme haut en couleur pour découvrir ce mémorialiste hors pair. D'ici là, vous pouvez écouter l'émission sur le site des Chemins de la Philosophie, sur la page de France Culture, évidemment. Vous pouvez télécharger l'application Radio France pour écouter l'émission en téléchargement, en podcast, afin de l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, et nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, où on est toujours ravis de lire vos commentaires. À lundi, 10h, nous, on sera là, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Vous aimez ce podcast? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.